le grand William Scheller. On retrouve toujours sur les vieilles branches les témoignages. On retrouve toujours sur les vieilles branches les témoignages les plus fondamentaux. Le vent y souffle en harmonie, les feuilles qui s'y arborent fièrement laissent au soleil le privilège de les réchauffer. Et les années passent, et l'histoire s'y forge une place prépondérante. Les racines livrent une poésie qui se colle à mes mots. Joyeuse fête et ne laisse pas le cartésianisme prendre le dessus de tes rêves. J'avais écrit ça pour un camarade, mon filleul. J'ai voulu vous le faire partager. Un point, c'est tout. Et mais ce qui est extraordinaire, on a entendu mon ami William Scheller, le grand William Scheller, avec une conception de la musique francophone tout à fait exceptionnelle. Celui qui amène le classique au texte et à la musique, quelque chose de ressenti. Un grand bonhomme qui, à mon avis, et puis pour faire peur, hein, pour faire peur à la redondance, on peut-tu y faire peur, madame? Croyez-vous qu'on peut faire peur à la récompense? Pardon, est-ce qu'on peut faire... on peut-tu faire... allô? Madame... à la rebombance? T'as peur, là. Hey, wow! Wow! Hey, l'amateuriste, là, ça se passe pas à CKRL. Il n'y a pas d'amateuriste ici. OK? This is. This is run you in the fall, my baby. Non, c'est... attendez. Hey, l'amateuriste, ça a une place, ça, là? Allô? Hey, monsieur! L'amateuriste, on va... Bon, non, si on peut poser la question pendant 2 heures, on va attendre la réponse. On va l'avoir, la réponse, à soir. Sinon, l'émission n'aura pas lieu. C'est pas compliqué, là. L'amateuriste a-t-elle une place ici? Oui, c'est l'amateuriste. Hey, c'est quoi, ça? Satan... Non, non, on va écouter Satan. Satan a un message. Non, hein? L'amateuriste a-t-elle une place? Hein? OK. Voyons, oui. J'ai des coordinations verbo-crétin. Au four 550 200 BTU. OK. Attendez. On se calme. On va enlever la petite pile. On va enlever la petite pile, puis on va prendre le gros nerf. OK. Oui, c'est beau la carte, mais oui, on va dire n'importe quelle. Le 3 mai 1758. Bon. OK, on l'a. Est-ce que l'amateuriste, ma chère dame, a sa place ici? Ah non. Non, hein? L'humour a-t-elle une place ici? Ah non. Mais voyons donc, oui. Négatif à peu près, sa femme-là. Êtes-vous marié, vous? Ah non. Non, hein? Ça me surprenait pas. Non, mais... Allez-y donc. Ah non. Non. Cherchez-vous un jour, ou peut-être le soir, votre oui? Ah non. Et vous êtes une fanatique, sans doute, d'Edith Piaf lorsqu'elle chante. Ah non. Rien de rien. Ah non. Je ne reconnais plus rien. Ah non. Et le jour. Ah non. Et le mal. Allez-y. Ah non. Et pour moi. Ah non. Ça m'a bien. Est-ce que c'est... Pour moi, c'est bien égal. Ah non. Merci, vous êtes bonne. Non. Rien de rien. Non. Je ne regrette rien. Ni le mal qu'on s'est fait. Ni le bien. Encore une fois, madame. Non. Ça finit par... Privé d'une vérité, la bouche se dégoûte. Elle doit filtrer, ne pas laisser jaillir que des gouttelettes, que de la laideur face au récit. S'y inclure jamais. Au revoir et merci. Non, rien de rien. Non. Hey, c'est le tube de la semaine. Là, là, dans votre voiture demain, là. Les voitures. Le petit monsieur en scooter, là, avec ses lunettes fumées, même s'il pleut, même s'il y a 250 millions de nuages, parce que selon moi, puis là, c'est pas une petite cause, c'est une grosse cause, moi. Je parle pour la grosse cause des maladies mentaux. Menti. Je mens comme je parle. Je serai un jour politicien et vous voterez pour moi pour ce que j'aurai comme idée à défendre dans le ring de la vie, aux uppercuts de la compréhension et au jab de l'intolérance. En 2016, je fais mon dernier voyage à Paris. En 2016, je me marie. Nous faisons un enfant. Nous l'élevons dans l'errance. Nous lui offrons la carte de membre de CKRL. Il deviendra un être qui se démarquera. C'est une belle publicité pour cette belle radio-là, pour CKRL. Écoutez-vous autre chose que CKRL, vous? Non. Bon, c'est très bon. Vous gagnez des points, on va vous donner une nom. Vous allez payer une carte. Vous êtes quand même... vous ne pouvez pas ne pas payer, hein? Vous sentirez... Sans doute que vous seriez comme une errante, hein? Non. Ah non, vous n'aimeriez pas qu'on vous la donne? Non. OK. Alors, vous voulez la payer, hein? Vous n'avez pas aucune gêne pour la payer parce que vous n'êtes pas une pauvre. Non. Vous avez beaucoup d'argent, là. Non. Non, mais tu peux être riche de cœur, riche de connaissances, riche de structure intellectuelle. Toi, ta structure intellectuelle, elle se limite à combien de barreaux? Ben lui, attends un peu. Si, on a parlé de câble, là, pas pour la TV, puis moi, je ne suis même plus sur le câble, je suis sur le gonfré, la bouche dirigeable, là, la petite prise de rien, là, le petit fil, l'Amsterdam. Ouais, mais je l'ai pris dans le port USB. Dans le port USB, il y a des télés qui partent et qui partent et repartent et qui repartent encore. Ils s'illuminent dans le port Amsterdam d'Hambourg. D'ailleurs, enfin, ils boivent au câble. La fibre optique. Ça vient de me revenir, fibre optique. Errance Rinaldienne diffuse sur la première radio associative francophone au monde. Présente deux... Non, pour ça, c'est une idée que je voulais faire tout à l'heure, mais il ne faut pas le dire en onde. À partir de l'album, bon, OK, oui, monsieur, délivrez-vous. La seule chaîne, ben oui, la seule chaîne qui n'est pas à nos pieds, mais à notre cœur. CKRL, c'est la seule chaîne qui n'est pas de l'esclavage. C'est la seule chaîne qui se porte au bout du cœur. Hey, c'est pas beau, ça. Je ne vais pas avoir une augmentation de salaire. Moi, là, ça a l'air fou de demander ça, là, mais écoutez. Le bénévole, j'aimerais ça être élite bénévole. Pas sénile bénévole. Sénile, ça, c'est mon beau-frère. Ouais. Ben, en fait, il s'est marié avec ma belle-sœur, mais ma belle-sœur, elle est partie. Avec la caisse. Elle avait la grosse caisse. Oh, c'est une batteuse. Une batteuse brotteuse, là, c'est à groupe punk. Elle s'est pognée un percé de partouze, là. Et monsieur, il a aussi, à sa propre façon, percé de partouze également. Oh! Puis ce qui est bien, là, c'est qu'avant de partir, le chanteur punk l'enchaînait sur sa chaise. Pas sa chaise à lui, mais sa chaise à elle. Puis ce qu'elle aimait, là, c'est des petits chocs à l'occasion. Là. C'était Bluetooth, en tout cas. Et puis à distance, là, lui faisait des concerts à Mistassini, à Drummondville, Jill, Jack and Jill. Je pourrais être un encanteur, moi. Prenez-moi à l'encante, c'est quoi. C'est un cas rare. C'est un cas très rare. Et puis, il y a bientôt un an, un serveur de bar réalisant un film documentaire sur Limoilou. Et j'ai appris à travers les branches c'est l'automne, laisse nous faire voir qu'il pourrait y avoir quelque chose d'autre. On nous propose, on risque de nous proposer dans quelques mois un autre docu-fiction sur Bel Oeil. On n'arrête plus le génie québécois. Merveilleux. Avez-vous le docu sur Limoilou? Avez-vous le docu sur Bel Oeil? Non, Bel Oeil n'est pas encore sorti. Docu Limoilou encore, là, il est sorti. Allez voir ça. On dirait des nouvelles. Puis comme je dis souvent, pas de nouvelles, grosse poubelle. L'irrésistible Manoine, l'irrésistible Manoine ne consacre que des sourires et ses yeux amandes méritent une amende, un langoureux baiser prêt à remporter. Monsieur. Et puis Reynald. Oh non, ça c'est pour plus tard. Je me dis des affaires, puis je devrais pas les mentionner. Et il y a un petit truc que j'ai laissé, que j'ai abandonné. Abandonne-moi. Non. Bientôt, je vendrai du tissu. Du tissu tout azimut. Coton, polyester et de mensonges. Ah oui, des tissus de mensonges. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je deviendrai politicien. Quand je serai politicien, moi, j'offrirai des perles de pluie venues de pays. Et puis de ça, non, mais Gaétan va bien. Rita Biblo a s'est époustée hier soir. Ah, mon Dieu, de la belle poussière d'ange. Bon, je vais bouffer un petit quelque chose en un mot. Cassons la croûte. Ouais, mais attends un peu, là. On va pas la casser, mais on va la manger. Moi, casser, je suis pas un... Ça va bien, là? Oui, moi, ça va très bien. Je suis pas un réactionnaire. Je suis pas cassé, je veux manger. Manger. Je vais manger toute une saille, là. Ah, mon Dieu, Seigneur. Quand je suis sorti du film de Limoilou, ah, saint, toutes les propus et erectus et les putains tous et fatus étaient là pour m'accueillir avec leurs poings liés. Bon, après 3 semaines, je me suis réveillé, donc je suis intensif. Épongé de partout, c'est pas vrai. Mes gitanes. L'Hurluberlu se vante d'avoir extirpé une caisse de bière après 23 heures. Et avant de fermer la porte et d'avoir lancé le 30$ pour courir, bravo, sans méfait. On n'a rien compris. C'est important de comprendre dans la vie. Là. Ce matin, je rencontrais quelqu'un, une dame qui est malade, qui vit dans un autre monde que le vôtre. Et je lui parlais de la mort. Et c'est tout à fait étrange parce qu'elle s'est comme redressée, un peu comme un professeur de philosophie, là, puis qu'elle m'a dit, je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Elle me dit, oui. Après la mort, il y a la survie. Après la mort, il y a la survie. Intéressant. L'errance rénaldienne. Et comment, Dadine? La babine, tapatine, tatatine. Complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Auditifs, est-ce que ça se peut? Non. Ah non. Le succès. Ah non. Rien de rien. Ah non. Je ne regrette rien. Ah non. Ni le mal ah non. Qu'on s'est fait. Voyons. Ah non. Et le bien. Allez, il y a bien. Non. Mais ça m'était bien. C'est bien garni. Ah non. C'est pas garni, hein. Quand tu commandes des choses, là, dans des mets dans les restos, sur livraison, on est-tu déçu? Tu demandes une petite sandwich au poulet, tu regardes ça, mon Seigneur! C'est pas du poulet, c'est deux plumes. Tu dis, voyons d'or, mais je fais t'avoir, ça coûtait 22$ pour une petite sandwich de rien. Deux grosses patates qui viennent me livrer. Ah, on vient de livrer, on vient de me livrer. Mais, monsieur, Continue tes études, mon champion. Continue tes études. Ah, c'est du bon. Bon, c'est du bon poulet. Hein. On va l'arrêter. T'as-tu vu le film Pulp Fiction? Qu'est-ce qui arrive dans le sous-sol? On va te mettre la boule, puis ouais, donc, on va te maltraiter en silence. Bon. L'errance complice, et puis comme ça. Hey, Jim Morrison. Jim, mon ami Jim. Je le connais, moi. Je connais intimement. C'est moi qui a fait couler son bain. C'est moi qui l'ai garoché dans son bain chaud parce qu'il disait « Je suis le crabe laser. Je suis le crabe laser. » Moi, les illuminés, là, je suis plus capable de voir ces illuminés dans ma vie. Oh, quand je me regarde dans le miroir, je dis « Dans le miroir, c'est moi, bonjour, bonjour, ça va bien, bonjour. » Je me rends compte que c'est ma face. Oh, je me reconnais même plus sur vos photos. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, mais nous revenons. Nous revenons sur l'avenue, à presque à poil, mais jamais nu. Le sourire de Charles Trenet. Au chant de la bonne chanson, il y a de la belle musique avec Olivier Légaré. C'est pas Olivier Légaré, c'est Ovula Légaré, Ovula, le chanteur Ovula Légaré. L'Ovula, ce soir à la messe, deux beaux tranchants chantaient gaiement. C'est la meilleure émission en ville, ça. Comme le mentionnait, on l'a dit, Jim Morrison. Bon, Errance Renaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Mais je retourne vers ma vie. La babine tremblante. Et le trouble au cœur. C'est pas une crise cardiaque, toi, là? Lui, c'est tellement un gars de haute classe, là, qui fait pas des crises cardiaques, lui. Il ferait des crises de Corvette. Cadillac, c'est pas une marque. Cadillac, alors moi, c'est Corvette. Hey, une crise de Corvette. Puis là, quand il l'a vu en vrai, puis il a voulu l'acheter, hey, ça, c'est une gay belle Corvette. Oh, belle Corvette. Attention, Facebook veut m'agamaner. Elle veut m'agamaner. Facebook, elle me dit, dis-moi qui est le plus crétin de tous les Facebookers. Bookies. Hey, si tu dis que c'est moi, je me sens un peu comme diminué de mon état mental, comme d'habitude. Là, quand j'écoute mes émissions, je me dis « Hey, t'aurais pu faire moins que ça! Les gens vont te trouver trop libérateur, trop intelligent. Ils vont t'enfermer à Chimb et de l'Orange. Bon. » Puis on sait que dans les oranges, il y a... Et on dit, ça dure-tu ce public-là? Là? Il est minuit 25. Ben... Il y a des pépins! Pas juste des pommes, il y a des pépins. Des oranges aussi, il y a des pépins. Il y en a même des bananes, des pépins. Parce que quand tu manges des bananes d'Afrique, pas des petites bananes du Québec, là, tu manges, faut que tu fasses bouillir ça, ces bananes-là. Au moins 5 jours et demi, il faut que ça devienne un peu tendre. Puis là, ça devient, même après 5 jours et demi, c'est croustillant. Là, tu te casses 3-4 dents. C'est un tabarouette de tort, hein? Priez pour moi, pauvre mâcheur. Et puis attention, deux gros jambons s'en vont, Seigneur. Deux gros jambons s'en vont, Seigneur. Hein? Va falloir nettoyer le micro, ma Georgette, là. Hein? Beaucoup de nettoyage. Moi, je te dis que le boléro de Joe Javel, là-dedans. Beaucoup de boléro de Joe Javel. C'est pas le boléro de Joe Javel, ça. C'est pas Marie-Carmen de Photos. Non, c'est Manic Cabane de Poteau. De Poteau. Le Poteau. Ah, c'est une danse, c'est une danse. Les danseuses, ça m'a. Attention. Comment tu dis, Serge? Les danseuses. Moi, mon adas, c'est la danseuse. Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Puis là, d'après moi, là, j'ai eu des petites informations il y a 3 semaines. Les extraterrestres aimeraient recevoir les ondes de CKRL. Parce que c'est déjà rendu en haut, là. Dans les soucoupes, là, pensez que les soucoupes écoutent autre chose que CKRL. Là, et quand ça va, là, c'est pour ça que ça file. Tu peux pas, c'est de la soucoupe rapide et efficace. Ça joue pas avec la soucoupe, ça, là. Ah, tabarouette. Alors, donc, attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Et puis, on vous dit qu'aujourd'hui, le vendredi 25 septembre 2015, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour du grand compositeur, auteur, interprète Frédéric Chazal. Mon ami Frédéric est un auteur, compositeur, interprète de chansons groovy, punk rock décalé, mais qui ne tombe pas. Ses chansons s'écoutent en dansant ou bien allongées comme le café. Ah, ça, ça vient de moi, ça. J'ai écrit de même, hein, Frédéric, j'ai dit, hein, bien allongé comme le café. Quand dis-tu le café? Café allongé, allongé. OK. En fait, Frédéric a inventé un nouveau genre, le dansant cérébral. Et son prochain album sera le dansant sérénald. Alors, ses textes en français, ses rythmiques mordantes sollicitent le cerveau et les cuisses. Les cuisses de notre muse. Genoux et oreilles doivent être là, prêts à tout. Comme mon émission Errance Rénaldienne. Comme de tout vrai voyage, vous entrez épuisé mais rafraîchi. En juillet 2015, CKRL et Errance Rénaldienne se trouvaient là, à Paris, pour rencontrer ce personnage des plus intimistes. Un voyage chargé pour cette nuit, chargé, on en charge-tu des affaires, d'étoiles, et vous en êtes l'une d'elles, une belle étoile. Alors, maintenant, taisons-nous, je me tais. Écoutons la zizique. La zizique, la zizique. Je connais un grand bar qui s'appelle Baobab. Dedans, dedans, dedans, il y a un baobab. Tous les soirs c'est la fête, tous les soirs je fais tard. Des femmes de tout plein le baobab. Le soir au baobab, toutes les filles sont à boire. Le soir au bar, toutes les filles sont à boire. Sauf les barbies du bar. Sauf les barbies du bar. Le patron s'amuse bien. Il collectionne la flore. Le bois, de tout pays voudou. Sauf les barbies du bar. Sauf les barbies du bar. Mais des fois

Mais il y a un peu de monde. Ben oui, écoute, bientôt. Au début. Écoute, ça en est de la preuve de ce qu'on vient de faire. Là, c'est... Regarde, t'as dit capable. Je suis sûr qu'ils sont beaucoup plus... Je suis parisien, moi j'aime ça. À l'écoute. À l'écoute, je pense que ça a plus de résonance dans la population, la chanson, comme ça en français. Peut-être plus qu'ici. Ah, peut-être. Peut-être, il me semble. Il me semble de loin, c'est l'impression que j'ai. Oui, mais surtout qu'on est entouré d'anglophones. T'as une fausse impression, parce que la chanson française ici, on est bien aussi. Ça dépend à qui, ça dépend où. Quand on a les pieds, ça dépend. Il y a le limonaire, vous connaissez le limonaire? Ouais, attends, mais c'est plombé, tu peux pas être programmé, il faut faire partie de l'association, etc. Il y a une liste d'attente. Moi, je suis allé... quand tu veux jouer, tu veux dire? Ouais, non, il te raquette. Pour participer aux scènes ouvertes, il faut payer l'association et tout. Alors, il y a peut-être du monde, il y a du monde aux scènes ouvertes du limonaire? Ah, au limonaire, il y a du monde, tu raques. Ouais, mais alors, c'est peut-être un abonnement à 30 euros l'année pour une fois une scène ouverte pour te produire. Ah, mais moi, je suis révolté avec ça. Et je veux dire, il y a des scènes ouvertes où on ne te demande pas ça, quoi. Limonaire, alors on va te taxer parce que c'est le limonaire, ils sont bien placés, ils profitent de du lieu historique et tout, bah voilà, c'est ça. Bah, messieurs, moi je vais devoir y aller parce que j'ai vraiment très très faim. Oui, bah va te prendre à manger, tu rentres ou tu prends à manger ici? Bah je sais pas, est-ce que je peux trouver... Eh ben écoute, moi chez moi j'ai un poulet énorme, donc ils cherchent que des gens à partager, alors si vous voulez bien venir, je vous invite à manger du poulet. C'est gentil. Non mais il y a un petit truc asiatique là, vraiment pas cher. Là, l'endroit où j'ai mangé, ce que je t'avais dit. Je vais aller voir. Parce c'est pas cher. Moi aussi t'es inspiré. Okay. Je vais voir si c'est encore ouvert. Oui, c'est encore ouvert. Okay. Quand je finis d'aller au théâtre, il va y... Il a pas de succès ton poulet, on dirait. Non mais je vais y aller. Est-ce que tu veux que je me... C'est pas grave. Attends, moi, il y en aura plus pour moi. Ok. C'est juste là. Tout droit, à droite, et tu peux l'apporter. Ok, parfait. Ah mais c'est super bien. Vraiment l'ambiance. Bravo. Formidable, hein. Ah, c'est bon. Veux-tu que je t'envoie le lien? Oui. Tu me racontes de ce qui s'est tout ce que vient, ça, tu me racontes les photos. Les photos, puis je t'envoie le truc. Je te par mail ou... Oui, mais le son, ce serait extraordinaire. Là. 24 bits. Entre guillemets. J'ai l'extraordinaire assez extraordinaire. Avec le... J'ai eu les relents en chantant du scooter dans la bouche. Je suis sur une radio à Québec. J'espère qu'on n'a pas trop perturbé. Ah mais non, c'est voulu, là. C'est urbain, donc il faut parler, C'est formidable. Ah, tu savais pas que c'était enregistré? Si, j'ai vu, Je savais pas que c'était pour une radio. Ah oui. Parce que je voulais pas déranger. Non, c'est une radio associative. Écoutez, en faire une autre. Non, je sais pas, moi, comme vous voulez. Hein. Moi, au bout d'un certain temps, je m'arrête plus, moi, après. Aujourd'hui, il y a une... Alors, c'est très mainstream, tu vas dire, mais c'est vrai que dans le truc mainstream, c'est un peu espagnol, hein. C'est vrai que c'est espagnol, ça. L'appareil photo. Non mais attends, je suis content qu'il n'y ait pas le taureau. L'appareil photo est là. Olé. Ah non, on a un premier ministre espagnol, alors vas-y, on va lui rendre hommage. Tu veux faire le picador? Mais je vais non, lui planter un truc dans ça la n'existe gueule, pas cette fonction, elle n'existe pas. C'est dans nos esprits. Et puis, est-ce que tu nous en chantes une autre? Celle que tu nous as chantée lors de notre rencontre. Ah, notre clan. Oui, parce que ça monte et ça donne du pouvoir au micro. C'est une vraie celle-là. Et nous? Ah, il était bien le vin. Oui, bah tu vois, il est passé tout seul. Hein. T'as vu, on s'est tranquillement... C'est vrai. On l'a sifflé, hein. Comme quoi c'est bon. Oui. Ah oui, c'est comme quoi il est bon. Je confirme parce que j'ai la bouteille. Un bon vin, tu peux choper en effet du très bon vin de pays et tout comme ça à ce prix-là. Chez nous, c'est 25 ans. Ça, un vin comme ça de pays. Oui, parce que c'est surtaxé. Vous avez du vin américain quand même? Non, du vin états-unien. Français. Californie. Ah ouais, en France aussi. Il y a du bon californien. Ah ouais, c'est vrai. Ils ont acheté les. Attends, ils ont pris les cèpes. tu sais, les trucs de... Ils ont transporté la main par avion, hein. Ouais. Ils ont replanté. Ouais, ouais, ouais, ouais, ils se cassent pas la tête, c'est ça. Les États-Unis, j'allais dire. Les États-Unisiens. Les États-Uniens, on dit. Les États-Uniens, moi j'ai États-Unisiens. Il ne faut pas comprendre les Américains. Parce que tu sais, l'Amérique, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. États-Unisiens, moi j'ai dit, mais États-Uniens, moi aussi, c'est bien. On peut dire aussi maintenant États-Tunisien. Ah ouais, Parce qu'en fait, les États-Uniens sont dépourvus de pouvoir, puisqu'ils sont aujourd'hui, comme nous d'ailleurs, ils se sont fait voler leur démocratie et leur banque aussi, hein, par des ordures. Bah, tu connais un pays occidental qui s'est pas fait voler sa démocratie? La Suisse? La Suisse, pardon, mais j'ai un exemple, la Suisse. Pourquoi? Parce qu'ils font des référendums à tour de bras, mais ils votent pas chaque loi et tout. Mais ils ont au moins l'initiative populaire. Ouais. Ça veut dire que quand ils décident de faire un référendum, ils peuvent le faire, tu vois. Et alors, il n'y a personne dans l'Occident qui peut faire ça. Bah, logiquement, on peut le faire. Aussi, le Venezuela, ils arrivent à faire ça, au Venezuela. Le Venezuela, ouais. Et c'est quoi le pays qui fait tout au niveau économique? Regarde, c'est bon. L'inverse, ouais, elle est bien. L'inverse de ce que préconise le FMI, c'est pas l'Équateur? Ou le Paraguay, ou un tout petit pays comme ça là, qui fait l'inverse. Qui fait l'inverse. Alors une autre chanson. Moi, celle-ci, je suis en train de l'enregistrer et avec un pote et tout. Tu connais Féloche? Oui, ben oui. Bah mon pote avec qui je bosse là. Le premier album était incroyable, Féloche. Oh, ouais, le deuxième peut-être aussi, je sais pas. J'ai pas entendu. Je sais pas. Et enfin, mon pote, il est sur scène avec lui depuis le début. Le gars avec qui je bosse beaucoup, qui fait les guitares sur les voisines et tout. Il joue de la mandoline, de la guitare pour Féloche et tout. C'est lui qui a fait toute la tournée. Okay. Mais je le connaissais d'avant, moi. Féloche? Non, mon pote David Roland, il est toujours à gauche de Féloche sur scène. Ok, ah oui. Et c'est un vieux quel pote. Quel univers Féloche, hein? Oui, c'est voilà, on le reconnaît tout de suite. C'est déjà pas mal qu'on aime ou pas. C'est un son. Voilà, il a... Comme un peu Babix. Est-ce que tu connais Babix? Non, alors là, je serais incapable de te citer un morceau de lui. Il est rendu à son quatrième album. Lui, il connaît bien les trucs. Ouais, non, mais c'est parce que j'avais le rencontré, mais ouais, je suis largué, là. Il enregistre au studio de Pigalle. Donc, il devait prendre un break puis venir me voir. Mais... Et Odeline, tu l'as vu, là? Non, ça s'est pas fait. Hein? Ça s'est pas fait. Non, avec ça s'est pas fait. Non. C'est pas grave, je reviens chaque année. Bon, il a annulé. C'est moi, en tout cas, je t'en parle. La chanson que tu nous as fait là, lors de notre clan. Ouais, notre clan. Notre clan n'est pas innocent. La police a fouillé partout. Notre clan n'est pas tout blanc, la police a trouvé notre trou. Nous avons trouvé la colère de la ville réveillée, l'enfer. La fin du monde n'est pas pour nous. Les braves gens voudraient que tout s'achète, que la vie soit sans arrêt. La police assure que tout va bien, que nos vies sont sur la fin. Le cœur des hommes est à refaire. Quand minuit sonne, nous sommes en guerre. La lune accuse un gris de face, un temps de pause. On va descendre encore plus bas, trouver la nuit, trouver le souffle. La terre est forte, la terre en vibre. On va descendre encore plus bas. Notre clan aura-t-il un fils à remonter à la surface, à mettre aux fesses de la police? avons vécu de sourire, de blessures et d'excuses aussi. La fin du monde n'est pas pour nous, n'est pas pour nous. Si Dieu s'en mêle, le clan s'allonge. Si Dieu s'en mêle, nos affaires plongent. Quand minuit sonne, le clan se donne, le clan se donne. Nous sommes des gens qui glacent le sol, le sang, la peau de nos ennemis. Nous ferons pierre de nos ennemis, nous saurons. Notre clan aura-t-il envie de remonter par la crevasse, de vivre ici plutôt qu'en face? Pas innocent, la police a fouillé partout. Notre clan n'est pas tout blanc, la police a trouvé. Mais elle était beaucoup moins projetée que lors de notre première rencontre. Hein? Beaucoup moins? Oui, tu étais plus à l'intérieur. Ah bah oui, j'étais sur une terrasse de café. Non, ici tu l'as fait moins fort que ah bon? Que la bouche. Ah ouais, mais là j'avais le micro en face de moi, j'ouvrais la bouche. Et puis c'est bien, hein? Je faisais des nuances. Oui, bah, écoute, c'était ouvert, donc oui. J'ai pris du riz contre nez, je suis très contente. Elle est contente, hein. Tu sais, t'as manqué une chanson incroyable. Quand on est ensemble, on est content. Oui, c'est ça. Exactement. On peut pas être partout. Ah non, c'est vrai. Sauf, il y en a un qui pourrait être. C'est vrai qu'elle est formidable, cette chanson. Ouais, c'est vrai. C'était quoi, alors, aussi, la chanson? Cette histoire de clan, là. Comment elle s'appelait, le clan? Oh non! Notre clan. Oui, notre clan. C'est vrai. Mais tu vas le retrouver, je vais t'envoyer les liens. Tu vas entendre le mini-concert. Voilà. Puis on va entendre ton absence aussi. Ça, c'est bien, mec de radio, tu vois. Il te dit ça, on va entendre ton absence. C'est vrai. Il n'y a qu'un mec de radio qui peut dire ça. À la sève, goûter aux conserves, dans mon phare tout petit, j'ai farté toute la nuit, je ne crois plus au dollar, encore moins la bagarre, c'est ouh, ah, j'aime le surf, ouh, ah, vive le surf. Tibia, tout honneur, le sport aspire le beurre, chevalier des rouleaux, vos pieds sont des couteaux, dans les flammes, dans les vagues, il y a des ronds et des zigzags, c'est ouh, ah, et je me le surf, ouh, ah, vive le surf, et les mers, et le surf. Yeah.

Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Il y avait un vinyle du Mime Marceau qui était sorti. Ah oui, c'était c'est vrai. T'entendais le parquet craquer. Oui, oui, c'est vrai. Grand succès. C'était long, mais vers la fin, c'est pas une blague. On l'entendait qui marchait, c'est ça? Oui, oui, mais qui mimait. On l'entendait mimer. Ça sent bon, là. Ça sent bon. Non, merci. Moi, j'ai arrêté de manger depuis l'année dernière. Ah ouais, tu m'as fait le tout. Bah ouais, je mange plus maintenant. Il fait plus caca. Il y a juste du poulet. du poulet que je me prépare chez moi. C'est pour les cheveux. Ah ouais, c'est ça. Exactement. De l'huile de poulet. Que j'élève moi-même. Hey, on a une phrase d'une publicité au Québec qui disait « Poulais-tu n'avoir encore ?» Poulais-tu n'avoir encore ?» Poulet. C'était une publicité de rôtisserie. Mais il faut vraiment et c'était « Poulais-tu n'avoir encore ?» Il faut vraiment aller au Québec. Pour ça, il faudra une autre chanson. Tu veux une autre chanson? Moi, ça me paraît laquelle? Le meilleur pays du monde quand je t'entends. Ben oui. C'est pour ça qu'il reste que 10 jours ici. Oui, c'est ça. Mmh. Non, 8 jours. Il a hâte de c'est rentrer, pas beaucoup. En fait. Hein. Non, toi, oui, pas moi. La première fois que je l'ai rencontré, je dis on va fêter tous les deux. On était comme dans des bulles, on parlait, puis les gens s'accumulaient, il y avait plein de monde autour. Ouais, là, on parlait, puis là, tous les gens. Puis, mais sa voix montait pas. Voilà, c'était super intéressant. Au niveau radiophonique, c'était super intéressant. T'as dû faire du trafic. Hein? Oui, on entendait que l'affluence est venue de la rencontre. Ouais. Et puis, est-ce que je peux en choisir une? Ah ben, je t'en prie. OK. J'en ai jamais choisi, donc... Bah, il faut que tu connaisses ça. Ah ben, je connais ça. Gainsbourg, t'as choisi la reprise, non? Ouais. Ben là, il y a moins de choix. Truc, tu l'as pas fait? Si, y a un truc pour tout. Ah oui. Mon chef à moi aussi n'aime pas son chef. Et puis Poupée, c'est une interprétation, ça? C'est la Polnareff. OK, c'est une Poupée. Non, on la fera pas. Je la possède, mais pas intéressant. Tes baisers me font mal. OK, ouais. Tes baisers me font mal. Ah, mais t'es tout fait. Ah, laquelle que t'as pas... C'est ça, tu... Celle-là, tu l'as pas fait. Oh, ben, il y en a plein que j'ai pas fait. Il y en a beaucoup que j'ai pas fait. Violi, il est au sommet. Non, mais elle va entendre des baisers. J'aime le sort. Mais elle va entendre des baisers. Il y en a plus que j'ai pas fait. Hein? C'est que t'as un peu de baisers, là. Bah oui. Pardon? Elle va s'imaginer l'image qu'elle a vue, mais celle qui est en train de s'éteindre. Entre l'homme et elle, va se construire. Tes baisers me font mal, me font trop mal. Tes baisers me font mal, tes baisers me font mal, me font trop mal. Tu souris fort comme une hôtesse, tu donnes des joies qui blessent. Tes baisers me font mal, me font trop mal. Tes baisers me font mal. toute chose et chercher le rose. Oh, du monde s'en s'approche, je me reproche d'être encore là, je n'ai que toi. La voix de Jean-Louis Aubert. Ben non, c'est moi. Ou c'est Jean-Louis Aubert qui a ta voix, sans doute. Et moi, je me demande comment des baisers peuvent faire mal. Peut-être vers la fin d'un amour. À force de faire des baisers, peut-être. Mm. C'est-à-dire, les baisers font mal à force de trop baiser. De trop embrasser. Ah, non, je parle pas de baisers, je parle de bisous. Non, mais c'est... Il y a une chanson de Philippe Catherine, des petits bisous partout. Ouais, des bisous, des bisous. Mais, des bisous, je l'adore, Philippe Catherine. Tu connais des chansons de Philippe Catherine? Jouer, non. Je ne sais pas aller jouer, non. Non, là, je me suis bien viandé. Vous m'avez déconcentré. On n'est pas un bon public. Tu t'es bien rattrapé. On n'est pas un bon public. On a apprécié. Non, on a apprécié, vraiment. Oh, oui. Je suis très content d'entendre tes créations. Bah, voilà. Bravo. Me font mal. Ça allait dans le métro. Tes baisers me dépannent. Tu es de quelle région? 13e. Ouais, c'est ça, c'est rive gauche, c'est normal, c'est pas le même esprit qu'ici. Hein. Rien à voir, il y a... Il y a les avenues sont plus larges, il y a plus de parcs. C'est rien regarde, à voir, la rive droite. Le 13e, tu vois ce que ça veut dire. La rive droite. C'est la différence entre le 13e et ici? Non. Bah, il y a quelques chiffres. Lui, il sait, il vient de le dire, mais t'as pas entendu. Il y en a 5. Ah oui, j'ai entendu. T'as entendu, alors c'est quoi la différence? Non, t'as pas entendu donc. Ben j'ai entendu des brides là. Alors mais oui, mais en fait, tu sais la différence entre le 13e et ici? Vas-y. Ou à la rive gauche. La rive gauche et la rive droite. Ah, ouais. Thank you.

guitaristique incroyable. C'est un homme qui est habité. J'y vais, t'as un rendez-vous? Oui, bien, juste ici, je viens dire bonjour. Super. Je viens dire bonjour à lui et je communique avec toi pour un mini-concert. Super. Parfait. Que mini, t'entends combien de titres tu veux que je bosse en solo? Comme tu veux. Ah non, ben on va improviser. D'accord. On va errer, toujours l'errance. Merci. Bon, super, mais merci pour ton accueil. On se revoit. La discussion. Et tu vas voir le petit parc qui est juste là sur le coin. D'accord. Mais on s'attendra juste ici, à côté de. En haut du métro. D'accord. De la bouche du métro. Ça roule, je vais aux toilettes. Ok, parfait. Merci. Merci et je m'occupe. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-LF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Moi je te dis, la flotte, ça fait une différence entre les humains. C'est la spéciation, ça s'appelle. C'est... Non, en fait c'est pas vrai, parce qu'on arrive à se reproduire entre continents. Oui. Mais si tu prends deux oiseaux, tu les mets sur une île, pendant 1000 ans, ouais. Et ben tu verras. Et ben, on ne sera pas là pour vérifier, donc ça fonctionne pas. Oui, mais on aura enregistré, on aura des appareils photos, tu verras. Ouais. Alors, il faut avoir de l'électricité pour 1000 ans. Ouais. Et ben alors, le nucléaire, c'est quoi? C'est pendant 10 000 ans. C'est un projet vraiment de recherche qu'on peut soutenir. Ça, mais c'est bien parce qu'on peut dire des n'importe quoi parce qu'on ne sera pas là. Voilà. C'est ça. Ah, c'est bien. Après moi, le déluge. Hein. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est ce qu'ils sont en train de penser, hein. C'est pour ça qu'ils font tout ça aujourd'hui. Puisque après moi, je suis mort. Alors je peux tout niquer, hein. Ouais. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais surtout, les gens qui ont le pouvoir, ils veulent jouir de leurs enfants. Mais à peine de leurs petits-enfants, finalement. Ah oui. Ouais. Ils se mettent même pas à la place de leurs enfants. C'est ça qui est fou. Mais non, c'est vraiment mais c'est la jouissance. Fou, parce que c'est une dynastie, ça s'appelle. Une dynastie. Je te le dis, parce que quand tu as une famille, voilà, eh bien, tu sais que tu vas reproduire. Un mec comme Bourdieu avait expliqué ça très bien, ça s'appelle l'héritage culturel. Et donc, ça veut dire que tu hérites des codes culturels, tu hérites de tout. Aujourd'hui, en France, par exemple, nous avons des grandes écoles de la République qui sont accessibles normalement à tous, mais que très peu peuvent atteindre, puisqu'il faut d'avoir des codes culturels, quoi. Ouais, ça c'est important de connaître les codes. Ouais, mais ça, c'est formidable. Donc en fait, ce que tu dis, je suis pas tellement d'accord avec toi. C'est même pas les petits-enfants. C'est toute la dynastie, on le voit bien. Puisque... Tu parles des grandes écoles, là Non, mais je parle de ceux aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui ont les manettes. Je t'assure que le fils d'assaut, il y en a pour des... C'est une dynastie d'assaut, là. Tu vois, il y en a plein. La dynastie Chirac, la dynastie tout ce que tu voudras. On leur donne trop. Heureusement, il y a les start-up aujourd'hui. Faut arrêter de croire qu'ils ont de l'influence sur nos vies. Ils en ont pas tant que ça. Ah ouais, tu crois? Non. Ouais. Et ben en 2005, parlons, hein, mais bon, ils ont eu une influence sur ma vie, là, 2005. En 2005? Pourquoi? Parce que moi, j'ai voté non. Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Mais ça commence à se savoir, 10 ans après. Oui, mais qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vu, la Grèce? C'est ce qui nous attend. Hein. Moi, je cherche pas à avoir le meilleur de mon vivant. Moi, je voudrais changer de sujet, surtout. Je voudrais changer de sujet. On reste pas au Québec, hein. Ah oui, ben oui, ben écoute, j'ai... Voilà, la terre des pingouins, on y va. Avec mon père de pingouins. On fera la même chose. Ah oui, oui, oui, sur les plaines d'Abraham. Sur les plaines d'Abraham. Tu te rends compte comment il appelle ton continent la plaine des pingouins? Bah oui, c'est bien. Mais t'as des pingouins? Bah il y a des pingouins, mais pas chez nous. Alors, non, mais ils sont dans mon bain, mais pas chez. En caoutchouc, on a. Ben oui, c'est comme les poussins en caoutchouc. Mais ça, c'est ta femme qui en a. Voilà. Non, canard. Ça s'appelle des canards. Oui, c'est ça. Non. Les poissons et les pingouins, ça sera bien. Oui, c'est la danse des pingouins, c'est ça. Voilà. Ouais, ben oui. Des canards. Des canards. Ah, Non, parce que ça pourrait faire un hit, ça, c'est la danse des canards. C'est la danse des pingouins. Ouais. Ça pourrait être un hit, ça, c'est la danse des canards. Ah, ben ça. Ah, t'as la phrase. Mais ça, c'est une blague. Ok, j'ai l'air trop sérieux. Non, mais après, est-ce que la chance des canards a déjà passé l'océan? Oui, ben oui. Ben oui, dans les soirées. Tu connais Chrissy Love the Queen? Dans les soirées de danse en ligne. Vaguement, j'ai entendu 2-3 titres. On appelle ça de la danse en ligne. C'est un carton là. C'est tout le monde, ok? Ah, ben oui, c'est il y a Black and Peas. Ouais, bon. Michael Jackson. La danse des canards en a fait partie. Chrissy Love the Queen. C'est la danse des canards. C'est tout le monde qui danse comme ça? Il y a quelques albums. Ça a été refait par une chanteuse québécoise qui a été abusée sexuellement. Et quand. À ce point-là, c'est vraiment bien. Elle a été traumatisée en fait. Je l'ai dans l'ordi, je ne l'ai pas encore écouté. De l'âge de 5 jusqu'à 21 ans. C'est pas vrai. C'est horrible. Écoutez, qui s'appelle. C'est absolument il a fait de la prison et aujourd'hui, il s'est peinard dans ses terres. Et chez les Français, et puis bien sûr. Sa fille fait de la télévision. Sa fille fait de la télévision. Il est obligé en plus par-dessus. Lui, il fait un album, il y a 27 chansons dessus. Ah oui, ben, elle a été obligée de faire des trucs, de faire une émission de télévision pour enfants. Catherine. Puis aujourd'hui, ah oui, c'est très court, ça dure. Cet album-là. Ouais. Cet album-là. Oui, ouais. Grâce à cet événement-là, elle a. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Lucien. Grâce à cet événement-là, à l'événement qu'elle a vécu, elle en tire beaucoup d'argent. J'emmerde la reine d'Angleterre. C'est tout à fait. Je vous chie à la reine. Éthiquement, c'est moralement. Et puis je pense qu'elle n'est pas très heureuse. Non. Elle n'est pas très contente avec son argent. Non. J'étais le voir en concert à la Rocherie à Versailles. Oh, le mec, il arrive. Oui, mais la majorité... Non, mais c'est de pire en pire son histoire. Ah oui, mais c'est pas lourd. Elle se suicide. Non. En écoutant la danse des canards. Ah ouais, mais c'est beau, hein. Mais c'est ça, c'est qu'on sait pas ce qui se passe en arrière de tout ça. Tu connais pas cette chanson? Mais oui, mais c'est horrible. Ben oui, c'est horrible, oui. Mais au départ, c'est... complètement glauque, tu vois, c'est complètement décalé entre... La danse des canards et ça. Ouais. Ouais. On va rester avec la danse des canards. Non, mais c'est terrible. Je sais. Alors, c'est comme ça. Oui, je sais pas, je suis pas musicien, mais ça veut dire. La danse des canards. Ouais, voilà. C'est les canards, la légèreté. Ils flottent. Flottons. Moi, je trouve la chanson française pas trop mal, en fait, face au génie anglais. Hein, d'accord. Ouais, faut qu'elle soit elle-même. Déjà, faut être c'est français, vrai, faut être soi-même. Fait, je veux dire, c'est là qu'a peu intéressé d'ailleurs les Anglais. Alors attends, Non, mais ça n'a rien de français, Daft Punk. Ah bon excuse-moi, il vient d'ici. Hein. Ouais, mais oui, mais bon, t'écoutes la musique, c'est tous les codes de la musique américaine. Non, mais rien à voir. Si t'as écouté l'album, ça va de. Mais je l'ai écouté. Alors, tu l'as. Memory, machin. Oui, j'ai tout écouté. Il est presque minuit pour moi. Donc c'est vrai, il est minuit. Ça dort bien, moi aussi. Pour tout le monde. Ah oui, le métro. J'étais vraiment ravi de vous rencontrer. Au revoir. Salut. Salut, comment tu t'appelles? Sonia. Sonia, enchantée Sonia, à très bientôt. Comment tu t'appelles? Frédéric. Frédéric, j'ai ta carte sur moi. C'est super. Ah bah écoute, au revoir. Moi, c'est mon nom et personne. Eh ben, non, c'est Rénald. Ouais, ouais, bah en espérant te recroiser. Ouais. Non, mais je te vois souvent. T'as quoi me suivre? Tout le monde. Ben non, t'as mon truc direct sur Facebook. Je passe par toi pour Gérard. Ah ouais, ouais, bah tu verras. Rénald et Rogue. Oui, j'ai pensé au cassoulet. Oui, ben c'est ça, exact. Mais je suis meilleur que le cassoulet. Admettons. Allez, bonne glisse. Comment? C'est meilleur que le cassoulet. Ouais, admettons. Bravo. Hein. Il y a une autre publicité au Québec. Je continue. Merci. Mais il y a une autre publicité au Québec. Encore sur le poulet. C'est bon à s'en lécher les doigts. Non. C'est beau. Continue à travailler. Et moi, oui. Et moi, j'avais. Est-ce que tu connais le savon ivoiré? Non. Ok, ben chez nous, il y a un savon pour la peau. Au revoir. Ciao. Salut. Je sais pas pourquoi je salue tout le monde. Ok, il y a un savon pour la peau, là, en bas, Ivory. Il s'appelle Lucien. Non, Ivory. Lucien Gainsbourg, c'est ça, je gagne. Donc, qui s'appelle Ivory. Ouais. Et moi, j'avais pensé à une publicité comme ça en revenant de chez moi. Blanche? Ben oui, ben, quand tu plantes, ben, ça dépend de quelle couleur tu mets, mais ça reste avec la même. Mais en tout cas, c'est pas ça l'idée. C'est qu'avec Ivory, j'ai eu comme une genre de connotation de publicité. Mon Ivory, c'est salé. Ah bah... Et j'ai envoyé ça à Ivory, ils m'ont rien donné. C'est pas vrai. Ben, mais ils t'ont pris l'idée. Non, pas pris l'idée, non, rien. Ils m'ont rien pris. C'est bon, hein? Mon ouais, Ivory, c'est bon. Ça. Moi, ouais. J'aime bien. C'est une bonne idée. Ouais, je sais. Chers amis, si je vous ai bien compris,